chant les saluts. On nous impose toujours des statuts adaptés. À la DAS, les couloirs sont envahis par la colère. À l'équipement, et les salaires sont précaires. À la DAF, c'est la misère. Au vice-électorat, n'en parlons pas. On en a marre.